بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الثامن في شرح أصول الإيمان للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Bienvenue mes frères pour ce huitième cours dans l'explication du livre أصول الإيمان Les fondements de la foi du Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qad wasalna ila al-hadith al-khamisi ashar an Abi Dharr qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attati as-sama' wa huqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وَلِبَكَيْتُمْ كَثِيرًا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسْ. Nous sommes arrivés au 15e hadith du livre. Selon Abi Dharr, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le ciel a fait un son à cause d'une lourdeur. Un son à cause d'un poids qui est lourd. Comme lorsque on met énormément de choses lourdes sur une monture. Cela va faire du son. Ce son, on l'appelle el-atit en arabe. Et donc le prophète qui nous dit que le ciel a fait un son à cause, un son qui est dû à une lourdeur, à un poids, à une surcharge. Et certes, le ciel est en droit de faire ce son, car il n'y a pas un seul endroit, une seule place équivalente à quatre droits, sans qu'il y ait un ange qui soit prosterné pour Allah Ta'ala. Et par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous aurez peu rigolé. Vous n'auriez rigolé que peu. Et vous aurez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez pas pris de plaisir avec les femmes sur les lits. Et vous serez sorti dans les rues à élever la voix implorant Allah Ta'ala. Élevez la voix en implorant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadith rapporté par Tirmidhi et qui dit que le hadith est Hassan, correct. Et aussi, l'auteur qui nous dit que la partie La ta'alamuna ma a'lam, si vous saviez ce que je sais, vous n'auriez rigolé que très peu et vous aurez beaucoup pleuré. Cette partie, elle est dans Sahihayn. Elle est dans Sahihayn. Selon le hadith de Anas. هذا الحديث فيه فضل الملائكة هذه المخلوقات التي خلقها الله من نور. Il y a dans ce hadith les mérites des anges, ces créatures que Allah Ta'ala a créées à partir de lumière. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلها وكثرتها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a montré ce qui indique leurs mérites, les mérites des anges et leur grand nombre. Tout le ciel, dans tout le ciel, il n'y a pas une seule place de quatre doigts sans qu'il y ait un ange qui soit prosterné pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc cela nous montre le grand nombre d'anges qu'il y a dans le ciel. فهذه الملائكة من فضائلها أنها تعبد الله تبارك وتعالى لا يفترون. Il y a parmi les mérites des anges le fait qu'ils adorent Allah Ta'ala et n'arrêtent pas, ne sont pas lassés de l'adoration. Allah Ta'ala qui dit Yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar wa hum la yas'amun. Ils le glorifient. Ils glorifient Allah jour et nuit et ne se lassent pas. Ce n'est pas comme nous, nous trouvons la lassitude. Après, on récite un petit peu trop le Coran, on commence à ressentir de la faiblesse, etc. Non, les anges, ils ne se lassent pas. Et donc cela montre les mérites de ces créatures. Et d'ailleurs, on avait vu dans les hadiths qu'on a vus précédemment, tout ce qui est lié à la miséricorde d'Allah, al-rida, wa hadhihi al-umur, allati tata'allaq billahi ta'ala. On a vu dans plusieurs hadiths qui montrent qui sont liés à Allah Azza wa Jalla. Et aujourd'hui, dans ce hadith, il se peut qu'une personne dise « Taïb, wa mal alaqa bihadha al-hadith wa al-hadith allati qablaha ?» Quel est le lien entre ce hadith et les hadiths qui sont avant ? Les hadiths qui sont avant montrent les noms et attributs d'Allah. « Fil al-hadith al-sabiqa fiha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu. » Taïb, wa hadha al-hadith fihi idhamatullah tabaraka wa ta'ala. Dans ce hadith, il y a le caractère grandiose d'Allah tabaraka wa ta'ala. لِأَنَّ عِظَمْ الْمَخْلُوكِ يَدُلُّ كَذَلِكَ عَلَى عِظَمِ الْخَالِقِ. Car le caractère grandiose de la créature montre le caractère grandiose du créateur. Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les anges. وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْمَلَائِكَةِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Et vous savez qu'il est obligatoire de croire aux anges et qu'il n'est permis à quiconque de rejeter quoi que ce soit en Allah. مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui rejette et qui nie l'existence des anges, il aura mécru. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Et ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers, et ils veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, et ils disent nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres. Et ils veulent prendre une voie entre les deux. Oulaika humul kafiruna haqqan. Ceux-là sont les mécréants, les incroyants en réalité. Elle est où la preuve ici? Ayna ad-dalil huna ala anna man ankara wujud al-mala'ika faqad kafar. Où est la preuve que celui qui rejette, qui mécroit aux anges, alors il aura mécru? Mais où est-ce qu'on a parlé des anges dans ce verset? لا ولا اريد هذه الايه نريد الايه يقول الله تبارك وتعالى الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا رسله هي رسل الملائكه بارك الله فيك. Et donc les anges sont des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala yursiluhum ila ma ya'muruhum bihi. Les anges sont des messagers. Allah les envoie vers ce à quoi il les a ordonnés. Allah ta'ala qui dit dans son livre Ja'ilil mala'ikati rusulan. Celui qui fait des anges des messagers. Et donc il n'est pas permis de mécroire aux anges. Et de dire, non, ce ne sont que des esprits ou autres. Non. Ou l'esprit du bien, comme certains veulent dire. Non, tu crois aux anges, comme Allah tabaraka wa ta'ala les a cités dans son livre. Wa fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'lamuna ma a'lam, li dhahiktum qalilan wa li bakaytum kathira. Wa ma talazzaztum bin nisa'i. Si vous saviez ce que je sais, alors vous n'auriez rigolé que très peu. Et vous aurez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez pris aucun plaisir avec les femmes sur les lits. Fi hadha al-hadith, fi hadha al-qawl al-khawfu min yawm al-qiyamah wa min adhab al-qabr. Il y a dans cette parole la crainte, la peur concernant Yawm al-Qiyama, le jour de la résurrection, ainsi que le châtiment de la tombe. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَعَ نَبِيَّهُ عَلَى أُمُورٍ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ لَمْ يُخْبِرْنَا بِهَا أَوْ لَمْ يُطْلِعْنَا عَلَيْهَا. Allah Ta'ala a montré à son messager des choses de l'au-delà, le jour de la résurrection, le châtiment de la tombe, et il ne nous a pas montré ces choses. Rahmatan bina. Tout cela en miséricorde pour nous. فَإِنَّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ هَذِهِ الْأَشْيَا مَا تَلَذَّذْنَا بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا. Car si on connaissait ces choses-là, on n'aurait pris aucun plaisir, on n'aurait tiré aucun plaisir de quoi que ce soit ici-bas. La akl, wa la shurb, wa la shay, hatta nisa. Pas de nourriture, ni boisson, même les femmes, aucun plaisir. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, par miséricorde pour nous, il ne nous a pas montré cela. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ce qui normalement doit nous faire craindre ce jour. Quand tu sais que si tu savais ce qui allait se passer, ce qui se passe dans les tombes lorsque les gens sont enterrés, tu n'aurais pris aucun plaisir. Cela t'incite à te préparer pour ce moment où tu seras enterré. Car on sera tous enterrés un jour. Et donc tu te prépares pour cela. فَالْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ غَافِلٌ عَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَكِنْ إِذَا مَتْ وَرَأَى مَا يَنْتَظِرُهُ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْخَوْفُ. Et donc l'être humain, ici-bas, il est distrait. Il est distrait concernant le jour de la résurrection, la mort. Mais lorsqu'il meurt, alors il voit ce qu'il attend. Et là, il est touché par une forte peur. Il est touché par une forte peur. On a déjà cité le hadith, le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de la résurrection et qu'il dit « وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَيْئِكُنْ وَشَهِيدٍ » Et chaque âme viendra avec un guide, un ange qui l'amène, qui le conduit, et un témoin concernant ce qu'il a fait. Laqad kunta fi raflatin min hadha, tu étais certes distrait de tout cela. Fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid, alors nous avons enlevé ton voile, le voile qui t'empêchait de voir toutes ces choses cachées. Alors aujourd'hui, ton regard est perçant. Ton regard est perçant. Tu vois ce que tu n'avais pas la capacité de voir avant et tu as peur de ce que tu vois. وفي هذا الحديث الحث على الاستعداد للموت كما ذكرته سابقا. Il y a donc aussi dans ce hadith, comme je l'ai cité précédemment, le fait de nous inciter tous à nous préparer pour la mort. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah ta'ala, wa li muslimin, an jundubin marfu'an. Et selon Muslim, donc dans le recueil de l'imam Muslim, selon jundub marfu'an, donc une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, qala rajulun, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Fa qala Allahu azza wa jal, man dhal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbadtu 'amalak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qu'on a sahih Muslim, un homme a dit par Allah, Allah ne va pas pardonner à un tel. Allah azza wa jal a alors dit, qui est celui qui ose jurer me concernant que je ne vais pas pardonner à un tel? Certes, je lui ai pardonné et j'ai rendu tes œuvres vaines, caduques. هذا الحديث فيه سعة مغفرة الله تعالى وأنه لا ينبغي لأحد أن يقنط من رحمة الله أو أن يقنط الناس من رحمة الله. Il y a dans ce hadith le fait qu'il n'est permis à quiconque. Il y a dans ce hadith, excusez-moi, le caractère vaste du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'est permis, il ne convient à personne de désespérer de la miséricorde d'Allah. peu importe tes péchés, et qu'il ne convient à personne de faire désespérer les autres de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا الحديث له قصة. Et certes, ce hadith, il a une histoire. أخرج أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. Abu Daoud, il a cité dans son recueil As-Sunan, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël qui étaient frères. Et l'un, il accomplissait beaucoup de péchés. L'autre, il faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration. فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ. Et donc celui qui faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration ne cessait de voir l'autre dans les péchés. Il le voit dans les péchés, péchés, péchés. فَيَقُولُ لَهُ أَقْصِرْ. Il lui disait: mais allège-toi. Tu fais beaucoup de péchés, allège-toi, c'est lourd pour toi-même, c'est toi qui perds, c'est toi qui es le perdant. Et l'autre, il continuait ses péchés. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ. Alors un jour, il l'a vu accomplir un péché, et il lui a dit: allège-toi, arrête ce que tu fais. Lorsqu'il lui a répondu en disant: خَلِّنِي وَرَبِّي. Alors lorsqu'il lui a dit cela, celui qui pêche, il a répondu en disant: laisse-moi par mon Seigneur. Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Alors l'homme, il a alors dit: wallahi, la yaghfirullahu lak, aw la yudkhiluka Allahu al-jannah. Donc l'homme, il a dit: par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Ou alors Allah ne te fera pas rentrer au paradis. فَقَبِضَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Et donc Allah, il les a fait mourir tous les deux. Et ils se sont tous les deux retrouvés auprès du Seigneur de l'univers. Ils se sont tous les deux retrouvés. Attention, يوم القيامة, chaque conflit, chaque injustice, il y a donc un rendez-vous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fais attention aux injustices que tu fais à quiconque. Et donc ici, il est cité, donc ils sont réunis tous les deux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fekala li hadha al-mujtahid, ekunta bi aliman. Allah ta'ala, il a dit à l'homme qui faisait beaucoup d'efforts: est-ce que tu étais connaisseur, savant de moi, me concernant, c'est-à-dire est-ce que tu étais connaisseur et savant de ce que je vais faire? Est-ce que tu sais ce que moi je vais faire, à qui je pardonne, à qui je ne pardonne pas? Ou alors tu as la capacité, tu as quelconque capacité de faire quoi que ce soit avec ce qu'il y a entre mes mains, ce que je possède. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. Allah, il a dit à celui qui péchait: va et rentre dans le paradis par ma miséricorde. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. Et Allah, il a dit concernant l'autre: allez avec lui dans le feu. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. Abu Huraira, lorsqu'il a fini de citer ce hadith, il a dit: par celui dont mon âme est entre ses mains, il a prononcé une parole qui a mené sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà dans la perdition. Une parole. فهذا الرجل المجتهد أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا خير أنت تريد أن تنهى الناس عن المحارم Cet homme, il voulait ordonner le bien et interdire le mal. C'est bien ça. Le fait d'interdire aux gens de faire du mal. Lakin la yajouz. La yajouz et ta'alli ala Allahi tabaraka wa ta'ala. Mais il n'est pas permis de jurer concernant Allah tabaraka wa ta'ala de ce qu'il va faire. Tu ne sais pas ce que Allah tabaraka wa ta'ala va faire. Allah Azza wa Jal qui dit à son propre messager « Laysa laka min al-amri shay » La situation n'est pas entre tes mains. Il dit ça à son propre messager. Qui sommes-nous? Nous pour dire Allah va pardonner à un tel ou Allah ne va pas pardonner à un tel. Cela fait partie des grands péchés. Il n'est pas permis non plus de faire quiconque désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est grave. Et donc, il n'est pas permis « Laysa laka an taj'al an tub'id an-nas an rahmatillah tabaraka wa ta'ala. » Il ne t'est pas permis de faire cela, faire les gens désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. « Bal 'alayka an tad'uwahum. » Mais tu dois les appeler « Hatta al-kafir yajibu 'alayk. » يجب عليك أن تدعوه إلى التوبة والدخول في الإسلام. Même les croyants, il était obligatoire. Tu dois l'appeler à l'islam, l'appeler à se repentir. Mais le fait de dire tu iras en enfer, ou tu vois ton frère tara akhak fil ma'asi, yashrabul khamr, la yusalli, Il ne t'est pas permis, tu vois ton frère qui boit de l'alcool ou qui ne prie pas, il ne t'est pas permis de dire tu iras en enfer. Allah, il ne va pas te pardonner. Etc. La yajouz. Qui es-tu? Tu ne connais pas l'invisible. Tu ne connais pas le futur. Mais implore, demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il guide ce frère. Et fais les causes pour guider ce frère. C'est important. Que chacun reste à sa place. Wa fi hadha al-hadith wujub al-hadar min afat al-lisan. Il y a dans ce hadith l'obligation de se méfier contre le mal de la langue. Le mal de la langue. Yajib 'ala al-muslim an yata'ammala fi kalamihi. Il est obligatoire au musulman de méditer concernant sa parole. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Mu'ad, et est-ce que les gens seront renversés, jetés dans le feu sur le visage ou sur le nez à cause de ce que leurs bouches ont moissonné? À cause de ce que leurs bouches ont moissonné. Dans ce hadith qui est très connu, Mu'adh, qui demande au prophète, ô messager d'Allah, Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-janna. Accorde-moi, informe-moi d'une action qui me fait rentrer au paradis. Mu'adh, il veut une action qui le fait rentrer au paradis. Le prophète, il lui dit, Fakod sa'alta an 'azim wa innahu la yasir 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. Tu as demandé quelque chose de grandiose. Rentrer au paradis, tu as demandé quelque chose de grandiose, mais qui est facilité pour celui à qui Allah Ta'ala il facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité Mu'adh au pilier de l'islam. Il l'a appelé à accomplir les piliers de l'islam, les bonnes actions. Ensuite, il a cité des actes surérogatoires, es-sadaqat, etc., la prière durant la nuit. Et ensuite, il a dit à Mu'adh, à la fin du hadith, « Oh Mu'adh, est-ce que tu veux que je t'explique ce qui contient, ce qui te permet de maîtriser tout cela, tout ce qui a été cité précédemment ?»« Oui, bien sûr, messager d'Allah. » Le prophète qui tient sa langue et qui lui dit « Kuffa alayka hadha. » Retiens cela, retiens ta langue. Retiens ta langue. فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَحْذَرْ. Il est obligatoire aux croyants de se méfier. وَقَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَيَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme dans Sahih al-Bukhari, certes le serviteur il parle, il prononce une parole qui vient de l'agrément d'Allah Ta'ala, et sans pour autant qu'il n'accorde quelconque importance à cette parole, mais par celle-ci Allah va l'élever en degré. Et le serviteur va certes prononcer une parole qui courrousse Allah Tabaraka wa Ta'ala, sans pour autant que ce serviteur n'y accorde quelconque importance. Mais par celle-ci, il va être jeté dans le feu. Il a une nar. Et donc on doit faire attention aux paroles. Rappelez-vous la parole de Abu Huraira, cet homme, il a prononcé une parole. Une parole qui a mené sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà dans la perdition. Une parole. Dans un autre hadith, « Ya Rasulallah, qu'est-ce qui fait le plus rentrer les gens en enfer ?» Al-Ajwafan. Al-Ajwafan. Ensuite, il a expliqué qu'est-ce qui est voulu par Al-Ajwafan. La bouche et les parties. La bouche et les parties. Alors, on doit faire très très attention, les frères, à ce qu'on dit. On doit bien méditer avant de parler. Car au final, on veut tous aller au paradis. On veut tous bénéficier de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais la balle est entre nos mains. C'est à nous de nous contrôler. À nous de faire les bonnes actions. Les actions qui mènent au paradis. Et ensuite, implorer la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'il nous pardonne nos péchés. On arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah Ta'ala. Ah non. Ça fait combien de temps déjà? Et un dernier point que je voulais voir. Il y a un hadith, je l'avais noté derrière. Naam. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna min ibadillah, man law aqsama ala Allahi le abarrahu. » Il y a parmi les serviteurs d'Allah, ceux ou celui que si il jure concernant Allah qu'il va faire quelque chose, alors Allah le fait. Comment on fait pour rassembler les deux hadiths? Dans le hadith qu'on a vu aujourd'hui, on a un homme qui a juré concernant Allah et Allah Azza wa Jal a rendu ses œuvres caduques. Et dans ce deuxième hadith que je viens de vous citer, certes, il y a parmi les serviteurs d'Allah celui que s'il jure concernant Allah qu'il va faire quelque chose, Allah va le faire. Al-awwalu fi man'il khayri. Le premier, il concerne le fait de jurer concernant Allah qu'il ne va pas faire ou qu'il va empêcher un bien. Le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas rentrer quelqu'un au paradis, etc. هَذَا مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. Cela fait partie du mauvais comportement envers Allah le Très-Haut. Du mauvais comportement. وَسُوءُ الظَّنِ. Et cela fait partie des mauvaises opinions concernant Allah. Le fait qu'une personne pense que Allah ne va pas la pardonner, ou que Allah ne va pas pardonner à un tel, ceci est une mauvaise opinion concernant Allah Ta'ala. Mais lorsque la personne, elle jure que Allah va pardonner à un tel, et que Allah va secourir un tel, etc. Les savants, ils nous disent, هَذَا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى. Cela fait partie du fait de penser du bien, d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et rappelez-vous le hadith qu'on avait, ce qu'on a souvent cité ici. أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي. Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. Souvent, les savants, ils nous disent, la personne, elle invoque, « Oh Allah, accorde-moi ceci, Allah, accorde-moi cela. » Mais la personne, elle pense qu'Allah, il ne va pas lui donner. « Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. » Tandis que si tu as la réelle conviction, tu as une bonne opinion de ton Seigneur, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Et donc voilà comment on fait la distinction entre ces deux hadiths, comme l'a cité Al-Allam Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. On arrête pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.